C'est pour ça qu'il y a des choses un peu partout là en début de journée. Et si vous souhaitez encore faire de la peinture, il reste des pinceaux et de la peinture, donc allez-y. C'était bien entendu participatif, enfin c'est participatif. Là donc pour vous rappeler un petit peu le format des interventions, donc il va y avoir 20-30 minutes de présence Didier et Pierre. Et puis ensuite on va ouvrir le débat comme on vient de le faire tout à l'heure avec l'intervention de Martin. Donc Didier, c'est toi qui commences. Donc je te passe la parole. J'espère que je finirai aussi. Alors ce fameux titre, l'érotisme dans le lien, c'est quelque chose qui voudrait faire comprendre tout de suite que ce n'est pas un discours pour ou contre Macron ou pour ou contre personne. C'est un discours sur le langage. Le langage qui est en train d'évoluer de plus en plus. Moi j'ai commencé à m'y intéresser avant Macron. C'est-à-dire qu'il y a, presque un an bientôt, c'est arrivé que deux copines se sont fâchées avec moi, alors que j'ai pas compris pourquoi, qu'elles avaient rien dit de spécial, ni pourquoi, ni comment. Bon, maintenant on s'est raccommodé, mais j'ai compris qu'il y avait un truc dans l'évolution du langage où des personnes entendaient des choses que je n'avais pas dites. Et ils n'ont pas entendu ce que je disais. Et en plus, enfin depuis j'ai essayé d'y réfléchir, c'est assez compliqué. Parce que moi, je suis pas un étudiant, je suis pas un professeur, je suis un jardinier. Et ça peut paraître bizarre, mais pour faire un jardin, il faut savoir ce qu'on fait. Et je ferais noter quelque chose dans le. Enfin, je pense que beaucoup de monde l'a vu. Aux dernières élections, disons les villes ont voté pour moi, ont voté pour Le Pen. En général, je fais des approximations. Et je pense que c'est pas un hasard, parce que dans les paysans, souvent, on les traite d'imbéciles, de retardés, etc. Mais quand il y a un langage où ils se rient quelque part, ils se méfient. Même si ça peut être justifié ou pas, mais ils se méfient. Et ben moi, c'est pareil, je me méfie. Et je voudrais simplement expliquer pourquoi je me méfie. Après, chacun en pensera ce qu'il veut. C'est pas mon problème. J'ai juste commencé par donner des exemples, même d'avant Macron, c'est-à-dire où ça fait des années, par exemple, qu'on nous parle qu'il faut faire des réformes. Il faut faire des réformes, il faut faire des réformes. Les politiciens qui en font pas, c'est des nuls. Alors que faire des réformes, ce serait forcément bien, et pas les faire, ce serait forcément mal. Alors, n'importe quelle personne, plus ou moins intelligente, dirait, mais quelle réforme? Il peut y en avoir des bonnes et des mauvaises. Donc, avant de dire qu'il faut faire des réformes, un autre exemple, c'est quand on parle de Macron, par exemple, il est jeune, donc il va forcément faire des choses nouvelles. Il y a plein de gens qui ont voté pour lui parce que c'est le nouveau, c'est la nouveauté, il va faire des trucs nouveaux. Un jeune, il peut faire des choses vieilles, et un vieux peut faire des choses neuves. Je vois pas pourquoi, quel lien on fait. Enfin, tous les journalistes, les radios, les télés, etc., disent... Ouais, c'est super qu'il est jeune, il va changer. Non, c'est absolument pas automatique. Ça n'a rien à voir. Abus de langage, ça aussi. J'ai essayé de me limiter le plus possible parce que moi, ce que je propose, c'est un espèce d'atelier où je vous demande vraiment aussi de. Enfin, j'essaie de voir comment vous voyez ce problème du langage d'aujourd'hui, comment c'est pour vous. Alors dans le problème de l'érotisme, enfin le problème, c'est pas un problème. Il y a Edgar Morin qui est un scientifique, un philosophe qui fait beaucoup de choses, qui est un peu révolutionnaire aussi. Et oui, tout à l'heure on parlait de Ivan Illich, c'est-à-dire qui parlait aussi de l'éducation, enfin, et Edgar Morin est tout à fait d'accord avec Illich sur ce sujet, que l'école empêche d'apprendre. Bon, maintenant, si vous voulez comprendre bien, bien comprendre ce qu'il veut dire, il faut lire les bouquins, parce que c'est pas mon sujet maintenant. Mais une des phrases qui est, c'est il faut érotiser l'enseignement. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'enseignement, c'est triste. On met les enfants en prison, les enfants, les étudiants, même les adultes, les fameuses formations, on les met en prison et on bourre le crâne. sans chercher à il n'y a pas de dialogue, c'est-à-dire le prof enseigne à l'élève, point. Le retour, c'est pas possible. Poser des questions qui ne sont pas prévues dans le cours, c'est, ça n'existe pas. Et je crois que dans le fond, il a pris en compte cette érotisation de l'enseignement, parce que souvent il se prend pour un enseignant. Et en particulier dans le fait qu'il faut regarder ce qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire que les temps sont en train de changer, la société est en train de changer, le travail est en train de changer, parce qu'il y a la mondialisation, il y a la numérisation et tout ce qui va avec. Donc il y a ceux qui vont monter dans le train de la mondialisation, qui vont être jeunes, beaux, riches, indépendants, etc. Et ceux qui vont rester à quai, qui vont être pauvres, complètement débiles, qui ne connaissent rien. Oui, oui, bah oui, c'est pas dit comme ça, mais c'est dans le langage, je veux dire, c'est et donc il y a le monde se partage en ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer. Mais c'est pas dit comme ça, évidemment, mais c'est sous-entendu dans le langage. Et ceux qui vont réussir, forcément, ils seront avec Macron, et ceux qui vont échouer, ce sera les autres. C'est-à-dire les pauvres, on va les laisser dans leur pauvreté, dans leur merde, et tant pis pour eux. L'important, c'est que lui, il est avec les riches, avec les puissants, avec les intelligents, etc. Et dans son système, dans son langage, c'est, je sais pas si vous avez écouté le programme de Macron, ou les autres aussi, mais disons c'est plus flagrant. Il dit plusieurs fois à la télévision, l'important c'est pas le programme, c'est la vision. C'est-à-dire que lui, il est un visionnaire. Et le programme, c'est pour ça que pendant longtemps, personne n'a compris qu'est-ce que c'était son programme. Parce qu'il n'en a pas. Son programme, c'est à ce que je dis, ce que je fais. Faites ce que je dis et vous occupez pas du reste. Si vous regardez sur Internet son programme, alors il y a des gens qui ont travaillé quand même sur quelque chose qui ressemble à un programme, c'est-à-dire des choses concrètes. Mais à côté, il y a des explications, c'est-à-dire avant de lire, il faut lire l'explication, c'est-à-dire qu'il vous dit comment il faut interpréter le programme. C'est-à-dire que c'est d'abord tout ce qu'il dit, ce qu'il explique. Qui, par exemple, il veut que les Français aient confiance. Il veut que la France soit moderne. Il veut que nous soyons tous ensemble, tous unis, que nous allions tous ensemble vers la prospérité, vers le poids, etc. Et c'est sûr que qui est-ce qui dirait le contraire ? Dans tout ce qu'il dit, c'est tellement abstrait qu'on est obligé d'être d'accord. Mais c'est pas fait pour adhérer vraiment, mais c'est dit ça quand on a lu ça et quand on lit le programme, on a une idée positive de ce qu'on va lire. On pense que forcément ça va être quelque chose de bien et d'une certaine manière on n'a plus de sens critique de dire cette mesure là elle me plaît, celle là elle me plaît pas, dire non, mais s'il dit tant de belles choses, c'est que son programme, c'est-à-dire ce qu'il va faire, ça va forcément être bien. Donc on le lit, on adhère déjà avant de lire. Avant de voir ou de comprendre les lois qu'il veut faire, on est déjà d'accord a priori. Et c'est très très subtil. Hein. Enfin, moi, c'est mon opinion, hein. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Et il y a un autre exemple, par exemple, son porte-pêche. Je pense que tout le monde a entendu parler à propos de Trump aux États-Unis, de post-vérité. Alors le porte-parole de Macron, il a parlé de vérité quantique. Alors là, je suis prêt à écouter toutes les explications, même à passer 3 mois là-dessus pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça veut dire surtout qu'il ne se situe pas dans la vérité de tout le monde. C'est-à-dire c'est dans sa vérité à lui, dans sa bulle à lui, dans son monde à lui, ce fameux monde de la... Et si on veut comprendre, ben il faut adhérer. Sinon, on est con. Si, c'est simple, mais c'est dans l'inconscient. Je veux dire, tout le monde a envie de comprendre. On ne peut pas lire quelque chose ou voir. Enfin, ça, c'est l'intelligence humaine qui est très bien faite d'une certaine manière. Quand on ne comprend pas quelque chose de nous-mêmes, on attribue un sens à ce qu'on lit ou ce qu'on voit. C'est-à-dire, quand on a, tout le monde a des idées de politique, de programme, de choses à faire. Et si on lit quelque chose qu'on comprend, on est pour ou on est contre. On voit si ça correspond à nos idées. Si on lit quelque chose qu'on ne comprend pas, mentalement, ça crée une souffrance. Hein, ce qu'on appelle même techniquement une initive. C'est-à-dire qu'on commence à souffrir et on essaie de comprendre, et pour y arriver, on va plaquer sur ce qu'on lit ce qu'on a déjà dans la tête. C'est-à-dire ce que nous, on pense. On va dire, c'est ça qu'il pense, parce que c'est ce que moi, je pense. C'est faux, parce que Macron, il pense pas. Il veut qu'on adhère à sa vision. Voilà, c'est ça qui compte. Et petit à petit, subrepticement, il amène beaucoup de monde à sa vision. Je ne sais pas, c'est aussi des macroniens purs et durs. Si vous leur demandez, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ils ne sont pas capables de répondre. Mais ça ne fait rien, ils adhèrent. Il est jeune, il prend des idées nouvelles. Et c'est le refrain habituel que tout le monde dit. Alors, Yann, je vais essayer d'aller assez vite. Il y a, dans cette fameuse mondialisation, il y a la numérisation. Alors là, j'ai pris une phrase d'un spécialiste, parce que moi, c'est pas mon truc. Dans le jardin, il n'y a pas beaucoup de numérisation. Et une explication de l'effet de la numérisation, c'est le renversement du règne de la loi, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait la loi, au profit de la gouvernance par les nombres. Les fameux logarithmes dont on entend parler, qu'on nous bassine, enfin, qu'on utilise de plus en plus, aussi bien Internet, Facebook, aussi bien au travail, pour tout, même dans la santé maintenant. Comme si vous êtes malade, par exemple, on vous fait un tas d'examens d'IRM, cardiaque, etc., etc. Mais il n'y a plus un médecin qui est capable d'interpréter ce que ça veut dire. Donc il y aura un logarithme pour interpréter, dire quelle maladie vous avez. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, algorithme, oui, c'est ça. Ce sera comme ça. La sélection pour l'emploi, pour les banques, comment vous gérez votre compte en banque, on va vous dire comment il faut gérer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y aura pas un fascisme dans le genre de Le Pen, mais c'est encore pire. C'est beaucoup plus subtil, parce qu'on va être amené à y adhérer et à être nous-mêmes nos propres geôliers, notre tête, dans notre intelligence va nous servir à nous enfermer. Parce qu'on y sera amené sans s'en rendre compte, sans en être conscient. Alors je vais passer à ce que je crois être la solution, enfin la solution, c'est un grand mot, mais disons ce que moi je vois comme première approche d'éventuelle possibilité de solution, c'est que dans cette fameuse mondialisation, il y a par exemple les réfugiés. C'est-à-dire que des gens qui vivaient tranquillement dans leur pays, avec leur culture, avec leur manière de vivre, leur langue, etc. Et qui sont complètement déracinés, qui arrivent, par exemple, en France, où ils doivent repartir à zéro. Alors, c'est un truc qu'on appelle, mais que je le dis parce que j'aime bien, ça s'appelle la renégociation identitaire. C'est-à-dire qu'il faut se refaire complètement une identité. Forcément, on part de l'ancienne. Mais au départ, on fait pas le lien, c'est différent. Mais c'est la même chose qu'on nous fait faire, justement, en nous disant tout le temps, mais avec la mondialisation, avec la numérisation, les logarithmes, vous comprenez rien. Mais faites-nous confiance, le nouveau citoyen, le nouvel être humain, comme par exemple, on parle dans le transhumanisme. C'est-à-dire qu'on mettra des électrodes ou des microchips dans le cerveau. Quelqu'un qui est amputé d'un bras, on va lui faire un bras bionique, etc., etc. Ça s'appelle ça le transhumanisme où certaines personnes qui ont les moyens, parce que ça coûte cher, vont pouvoir devenir immortels. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un truc qui va flancher dans le corps, on va le remplacer par une machine. Et mais dans cette, ce changement que tout le monde est amené à faire, c'est-à-dire dans, entre la vieille, comment dire, la vieille culture, il pourrait caractériser d'une certaine manière la culture de la Le Pen, c'est-à-dire qui parle comme on parlait dans le temps, il y a encore un an, et la nouvelle culture de Macron, pour faire cette... cette renégociation identitaire, obligé de changer d'identité. Enfin, on est en train de changer d'identité. Non, vas-y, après je vais le rappeler. J'ai pas besoin de... Tout le monde est amené, en regardant la télé, etc. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les milliardaires ont pris le contrôle de tous les médias. C'est pour nous amener petit à petit à ignorer notre identité, de nos parents, de la culture française, etc. Et ça, c'est tout ce qui est du passé, c'est mauvais, c'est pas bien. Il faut aller vers la numérisation, vers le futur. Mais on n'y comprend rien. Alors, j'ai fait un exemple, disons, mais c'est pas pour critiquer, c'est juste pour faire comprendre. C'est... par exemple, à travers la mondialisation, les réfugiés, etc., Marine Le Pen nous dit, mais c'est la guerre, mais moi je vais vous protéger. Je vais vous protéger avec les policiers, avec l'armée, on va faire tout ce qu'il faut pour résister à la mondialisation. C'est-à-dire qu'on reste dans notre identité culturelle française d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et il dit, dans cette... Dans ce changement, moi je vous protège, mais je ne vous dis pas comment, parce que je vous dis, ayez confiance, faites ce que vous voulez, prenez du plaisir, amusez-vous, etc. Je suis là pour vous protéger. Alors il ne dit pas comment, mais c'est évident que si on est avec lui, on est tranquille. C'est une fausse tranquillité, mais c'est une tranquillité, tandis qu'avec Le Pen... Dire, oh non, il faut sortir les flics, l'armée, etc. On se battre, il va falloir résister, c'est chiant. Tandis que Macron, c'est pas chiant, parce que c'est lui qui va tout faire. Et nous, on aura gagné de l'argent et dépensé de l'argent, et gagné de l'argent et dépensé de l'argent. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Dire, et ça, ce sera notre identité. Ah oui, et le... Qu'on ait une dernière chose à propos de l'érotisation, c'est dans son discours d'investiture, si je me rappelle bien, parce que j'ai pas trop le temps de suivre tout ce qu'il y a de Macron, je vais vous servir, je vous sers avec amour. Alors plus érotique que ça, c'est pas possible. Mais si quelqu'un comprend ce que c'est, je vous sers avec amour politiquement, là aussi, c'est pas évident. Comment? Moi, je veux bien dire, justement, à propos de cette économie où ce qui compte, enfin, on nous dit qu'il faut être égoïste, il faut gagner de l'argent pour soi, pour pouvoir le dépenser, il faut être compétitif, etc., etc. Ça, c'est un égoïsme qui fait que, plus on se sépare les autres, chaque personne se sépare des autres êtres humains, on arrive à la haine, forcément. C'est-à-dire, pour se séparer, il faut haïr l'autre. Sinon, on peut pas. Mais si on parle d'amour, alors c'est pas pareil. On est tous unis, on est tous bien. Et lui, il est là pour nous servir. Donc, il va répondre à tous nos besoins. Voilà, tout simplement. C'est dans le sous-entendu de ce que moi, j'entends dans son langage. Et une autre chose, une dernière, c'est le... Ah oui, à propos de Mélenchon, qu'il y a des défenseurs de Mélenchon... alors Macron, il dit, il faut me suivre et c'est-à-dire, il faut vous soumettre. Voilà ce que je veux dire. Tant que vous serez soumis, vous n'aurez pas de problème. Mélenchon, il dit, il faut être insoumis. Il faut pas se soumettre. Il faut être complètement insoumis. Mais il faut être insoumis comme moi, je vous dis d'être insoumis. Donc il faut être soumis à la non-soumission. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et la seule possibilité, c'est quand on prend conscience de cette renégociation identitaire que tout le monde est en train de faire et en garder le contrôle chacun pour soi. Et ensuite, en parler avec les autres. Dire, mais moi, avec ce que j'ai, avec ce que je suis, qu'est-ce que je veux devenir ? Et se donner une idée la plus claire possible de ce qu'on veut être et la négocier avec les autres. Voilà, maintenant si vous avez des questions, je serais bien heureux. Merci à toi. Pierre, tu veux parler ou pas ? Alors, donc maintenant on vous invite à Pierre vous rapprocher, si vous voulez vous rapprocher. Donc là, vous êtes dans la commission éducation populaire et maintenant on va faire 40 minutes de débat. Donc si vous avez des questions à lui poser, des points de vue à vous défendez pas avec, prenez la parole pour pouvoir discuter avec lui. Donc qui veut commencer? Oui, la question que je voulais poser justement par rapport au langage macronien, c'est vrai que n'importe qui, j'ai envie de dire, un petit peu avec les concepts, etc., va l'écouter, ça va faire écho à plein de concepts dans notre esprit. Mais en fait, les concepts en soi, à partir du moment où on les définit pas, ils n'ont pas de sens. Ou alors ils ont le sens que celui qui écoute va interpréter et va vouloir prendre. Donc c'est pas mal comme technique. Non, la question que je voulais poser, c'est d'après toi, d'où vient cette forme de risque ? Est-ce que c'est tout simplement il parle comme ça et ceux qui l'ont emmené au pouvoir se sont dit c'est top, c'est génial, lui il va tout nous faire passer, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été construit dans ce sens-là? Moi je suis plutôt sur la première option à mon avis, c'est-à-dire qu'il a jamais rien dit qui avait du sens, mais c'est un petit peu cette question-là que je voulais poser. Et aussi comment est-ce que tu penses que ça peut fonctionner entre politiques? C'est-à-dire, je pense quand tu vas rencontrer Merkel, par exemple, je pense quand tu auras des enjeux directs entre nations, comment ça peut fonctionner? Alors après, on a vu le débat présidentiel, hein, il est aussi capable de parler quand même en face de quelqu'un d'autre. Mais ou est-ce que c'est que un type de discours du coup qui s'adresse, comme tu le disais, d'un rapport de professeur à élève, donc devant un public large, qui est voilà censé écouter d'une certaine façon un peu ces questions-là? Oui, enfin, ce que je peux en dire, c'est jamais que mon opinion, mais comme je vois les choses, c'est-à-dire même, c'est pas un hasard non plus que Trump a été élu avec un langage, c'est un vieux langage, mais complètement tordu. Mais ce qui compte, il peut dire des choses très intelligentes, Macron, comme mais peut-être, mais c'est pas forcément dans le sujet. Il peut rencontrer aussi Merkel ou n'importe qui d'autre au sujet de l'Europe, ils vont discuter. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est si, quand elle ne sera pas d'accord avec lui, il va essayer de. C'est-à-dire que son opinion dira ah ben oui, mais nous, maintenant, on est. Il faut qu'on fasse l'Europe d'une certaine manière, il faut qu'on soit moderne, il faut. Vous êtes. Enfin, il ne va pas lui dire comme ça, mais vous êtes un peu vieille, il serait temps de laisser la main, puis. Un banquier, j'ai des tas de gens derrière moi qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils disent, donc si tant que c'est votre intérêt, laissez-moi faire. Si c'est pas votre intérêt, on peut discuter. Mais d'une certaine pas votre intérêt, c'est que vous n'avez pas compris. Mais si c'est tellement bien fait que ça marche, même avec Merkel, même avec n'importe qui. D'ailleurs, je voudrais pas être à la place des interprètes quand il va parler. Là, vraiment, ça va être dur. Je crois qu'il va falloir les augmenter parce que leur cerveau va éclater au bout de 5 minutes. Et la deuxième question, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Ah oui. Oui, non, c'est volontaire, mais c'est. Enfin, moi, j'appelle ça un dressage, mais c'est un mot un peu. Pas dire un truc pareil. C'est-à-dire, si. Enfin, à mon avis, c'est une idée comme ça, dire c'est pas une conviction. C'est que Macron a été programmé à la naissance pour arriver là où il est, avec toutes les étapes, etc. Donc il a été éduqué. Oui, et si je parlais par exemple aussi de que Morin disait qu'il y a une pardon, qu'il faut érotiser le bon, ben lui à l'école il a épousé son prof, enfin il s'est fait violer par sa prof et après ils se sont mariés. Il était mineur. Moi, je sais bien que l'amour n'a pas d'âge, mais bon. Si ça avait été son élève, il aurait été en taux le minimum 10 ans. Mais c'est dans... Comment dire, il y a une forme mentale éduquée à travers justement s'exprimer par logarithme. Je ne pourrais pas expliquer ce que je dis. C'est-à-dire que les généralités qu'il dit, c'est-à-dire par exemple, mais complètement en l'air, avant d'aller voir Merkel, il va étudier tous ses discours, pas qu'est-ce qu'elle dit, mais comment elle le dit. Lui, il va en extraire les logarithmes, et quand il va lui parler, il va lui restituer sa manière de parler. Et il va lui faire croire qu'il est d'accord, tout à fait d'accord, toujours d'accord, oui, c'est très bien ce que vous dites. Mais après, elle va faire ce que lui, il veut, et pas ce qu'elle veut. Oui, je sais que ça paraît pas possible. Si, enfin, il y a un bouquin qui s'appelle... comment c'est déjà le manuel d'apprentissage de la manipulation à lutter. Voilà, alors là, vous voyez que tout est possible. C'est traité de manipulation, voilà, à l'usage des honnêtes gens. Mais c'est Macron du tout craché, je dirais. Mais sauf que quelqu'un qui manipule quelqu'un, tandis que Macron, il le fait naturellement, il ne sait pas faire autrement. C'est ça que je veux dire. C'est sa manière d'être, sa manière de penser, mais c'est aussi ce qui le rend super intelligent. Parce que, enfin, vous savez comme ça marche les logarithmes, c'est vous envoyez des mails, des trucs sur Facebook, sur Internet, il y a les logarithmes qui pompent les trucs, quels sont vos intérêts, votre manière de penser, vos goûts, les gens que vous voyez, etc. Et ça devient une formule mathématique, et on vous restitue vous-même sous forme publicitaire. Mais il fait exactement la même chose. Sauf qu'en ayant un cerveau humain, c'est beaucoup plus mieux. Je ne sais pas si je suis clair. Maintenant, bon, en déconnant, moi je dirais que je m'étonne que ce soit un homme qui arrive à faire ça, parce que c'est ce que font tous les jours. Les femmes mariées font tous les jours avec leur mari. Excusez-moi, il y a juste de l'action à côté, là. C'est un peu... Attends, Pierre, est-ce que tu voulais... Toi, je crois que tu as levé les doigts. Tiens, je mets, je te passe à toi. Didier, c'est pas logarithme, c'est algorithme. Non, c'est pas pareil, parce que l'algorithme, c'est une loi, le logarithme, c'est une fonction. Le Francisco, tu les envoies, il faut qu'ils aillent ailleurs, parce qu'ils nous foutent la merde, là. Là, est-ce qu'on peut continuer, là? Alors, si vous voulez, Didier est en train d'expliquer un truc qui est le cœur des théories de Macron. Et c'est pas facile. Quand ils seront calmés, on pourra parler plus facilement. Donc, si vous voulez, je pense que l'arrivée de Macron, tu l'envoies ailleurs, putain, il n'y a pas moyen de parler là. Hein. L'arrivée de Macron coïncidée de Mélenchon, qui a été précédée de l'arrivée de Nuit Debout dans le territoire social. Donc, il faut savoir ce qui est commun à ces trois êtres pour savoir ce qui peut se passer avec Macron. Dire que c'est un fils de la finance, ça suffit absolument pas. On peut dire la même chose de Bernard Arnault, de Wendel ou Rothschild. Inventer le macronisme, c'est Macron qui a inventé. Donc ce que moi je vais pas parler à la place de Didier, sauf que si vous voulez, les théories de Macron sont pas accessibles directement dans les journaux parce qu'il les donne pas. Or elles existent. Ouais. Là, il y avait une personne avant toi, je te passe après. Ouais, non, enfin du coup moi c'est juste une suggestion, mais je m'y connais pas. Ça me rappelle un peu des trucs que j'ai lus très longtemps sur le prince de Machiavel. Mais du coup, est-ce que il n'y a pas de ça dans le discours de Macron, dans sa façon de parler? Voilà, là j'ai donc pendant les dans un comité de campagne de France Insoumise pour Jean-Luc Mélenchon. Et bien avant, donc, on organisait dans un bar attitré, là où j'habite, des cafés citoyens sur différents thèmes et tout. Et on voyait que, disons, l'équipe de Macron, le comité local de Macron, essayait donc de faire des réunions publiques dans un bar. Et donc, et là, on voit que Macron essaye de copier, au niveau stratégie, les méthodes de Nuit Debout et les méthodes de... C'est-à-dire, donc, nos débats, c'est une forme, ce qu'on fait ici, c'est une forme d'appropriation citoyenne, donc, de sujets de société. Et donc, on voit que, voilà, donc, ils se disent, oui, voilà, donc, c'est-à-dire, donc, ce sont plus des meetings, hein, donc, des vieux partis. Donc, j'ai senti que Macron, au niveau méthode, est en train de nous copier. Et en nous copiant, hein, comment il veut arriver, lui, à imposer quelque chose? D'abord, copier nos méthodes, et ensuite, arriver à imposer son programme qu'on ne connaît pas. Ce qui est intéressant et marrant, qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est d'abord, la période... tout se passe en même temps, c'est-à-dire nuit debout, loi de travail, l'impasse sur l'économie. L'idée de François Hollande, c'était continuer comme avant, améliorer au maximum, et vu que ça ne marche pas, il y a eu les manifs. Donc ça, c'est un ensemble. Il y a d'abord un mur. Et donc ensuite, il y a la transposition en France, ce qui a existé dans d'autres pays, c'est l'occupation des places. Et donc petit à petit, ils n'occupent pas, mais ils y viennent petit à petit, ils descendent au niveau du trottoir, de la rue. Et je trouve ça marrant, c'est des bars, alors il y en a qui préfèrent les bars, mais ils ne sont plus dans des... Ça se faisait déjà auparavant, hein, je veux dire, les discussions dans les partis, ça se faisait dans les cafés, déjà bien avant. Hein. Il n'y a pas que Macron. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est tiré par la rue, maintenant, voilà. Et ça, ils sont donc obligés de ne plus parler entre eux, c'est ça la différence, mais de considérer le monde autour. C'est un progrès, hein, que c'est un progrès. Voilà. Et ensuite, comment chacun le tire vers son idéologie? Il y en a qui sont plus aptes à entendre une chanson, et puis il y en a d'autres qui entendent d'autres, quoi. Non, pour répondre au monsieur qui parle de Macron qui a copié, il n'a rien copié du tout. Ils sont assez grands pour inventer sans copier. Et puis d'autre part, copier, ça peut être une invention. Ça dépend en copie, parce que c'est pas toujours facile à trouver. Et la question qui se pose, si vous voulez, c'est pourquoi il y a des points communs entre Macron, Mélenchon et nous. C'est une bonne question que seulement je vous demanderai de creuser, parce qu'il faut dire que Macron copie, c'est une économie de cerveau, ça. Je vais juste reprendre avant d'oublier, moi, parce que je pense le contraire de ce qu'il dit, c'est que il copie, effectivement, il copie la forme. Mais comme il n'a pas de fond, et enfin, je ne sais pas bien comment le dire, il prend pas des idées, parce que les idées, les programmes, les projets, tout ça, ça qu'on peut faire, ça ne l'intéresse absolument pas. Mais à chaque personne à qui il va parler avec son langage, il va la déstabiliser. Il va la faire souffrir mentalement. C'est-à-dire, si vous l'écoutez vraiment, ou si vous lisez ces trucs, à un certain moment, vous allez souffrir. Pour arrêter la souffrance, vous allez adhérer à ce qu'il dit. Ça peut durer une demi-heure, comme ça peut durer un mois, un an, 10 ans, c'est pas ça important. L'important, c'est qu'il parle ou il écrit pour déstabiliser chaque personne, tout en parlant collectivement, même à 1000 personnes, chaque personne sera déstabilisée. Et ça, je veux dire aussi, c'est pas comme Machiavel, où Machiavel, il y avait beaucoup la violence physique. Tandis que Macron, la violence physique n'existe pas, complètement mentale. Merci. Moi, je souhaiterais revenir sur 2-3 petits points quand même qui me paraissaient très intéressants. En fait, faites très attention, enfin, à mon sens, hein, à mon humble avis, que le macronisme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une théorie, qui a produit des écrits, qui a produit une théorie. En fait, là, vous lui faites un grand plaisir. Il n'y a pas de macronisme. D'accord ? Il y a Emmanuel Macron avec sa politique, ainsi de suite. Donc, c'est la première observation. La deuxième chose, très intéressante, c'est comment Mélenchon, tous les mouvements, ce qu'on pourrait rappeler les transfuges, en fait, en politique, ils ont copié un peu de tous ces nouveaux mouvements sociaux, politiques, sur des occupations des places, en fait. En fait, ils ont compris une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas faire sans la démocratie directe. Mais à défaut de réaliser une démocratie directe, on va essayer de prendre un petit indicateur ethnographique, sociologique dans la démocratie directe, à savoir, bah, je vous donne un seul indicateur, chez Mélenchon, chez Macron, ils utilisent le même concept, plateforme. Alors, vous allez dire plateforme directe. Vous allez voter par une plateforme. Vous pouvez prendre comme ça des mots. Par exemple, dégagisme. Ben, l'autre, il le dit pas comme ça, mais il le dit de mettre des gens nouveaux, la société civile, renouvellement, dégagisme. Vous prenez deux mots comme ça, vous prenez gauche, droite, c'est la même chose. Ça, c'est la première chose. Mais après, dans ton exposé, Didier, si je me souviens bien, dans ton exposé, il y a quelque chose qui est très intéressant. En fait, tu me fais rappeler un vieux livre de Pierre Bourdieu, l'élève de Bourdieu, qui s'intitulait « Ce que parler veut dire ». Qu'est-ce que veut dire parler en politique à partir de ce discours? Que reste-t-il de ce discours de Macron, en fait? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est où la place de l'éthique pour creux, en fait? Elle est où la place de la responsabilité, d'une certaine manière. Donc, c'est ça qui me paraissait, au fait, quand on l'écoute, au fait, tu disais que c'était un discours vide. Au fait, c'est pas un discours vide, parce qu'un discours vide, il est rempli par quelque chose. C'est un discours, il est creux, il est complètement creux, mais un creux qui dit beaucoup de choses. Je pense que ce sera intéressant de creuser un peu. Alors, est-ce que tu ne penses pas à partir qu'il soit vide ou creux, ne participe pas à une société de la défiance, au fait. On est dans la défiance. Moi, au deuxième tour, j'ai voté pour lui. Mais en fait, j'ai pas du tout confiance parce que j'ai pas du tout confiance, au fait. En fait, on est dans une sorte de continuité comme ça, qui n'a pas de nom, au fait. Qui n'a pas de nom. On n'a pas le choix que de faire ainsi. Par rapport au discours creux, moi, je me dis, si c'est creux, l'avantage, c'est que tout le monde peut remplir par ce qu'il veut, quoi. Du coup, ça... Viens faire il faudrait que tu fasses un compte rendu de ça. La discussion... Attends, non, je vais parler, là. Je pense que, qu'il soit creux ou qu'il soit plein, le discours de Macron, c'est simplement le discours de quelqu'un qui veut prendre le pouvoir. Or, on ne peut pas dire que ce discours creux, c'est juste le moyen de prendre le pouvoir. Or, moi, je vais vous faire... j'ai déjà fait un topo au mois de mai ou de juin. c'est ce topo-là. Donc, vous avez l'endroit où on est arrivé dans la société, c'est le chaos prévu par Mélenchon en 92. On y est. Et maintenant, c'est de savoir comment on sort du chaos. Et il y a trois solutions. Il y a Mélenchon, il y a Macron et il y a Nuit Debout. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. S'il y en a d'autres, indiquez-les-moi. Or, dans ce schéma-là, si vous voulez, le chaos, il faut qu'il se stabilise dans le nouveau pouvoir. Et ce nouveau pouvoir, il est en train de monter. Qu'est-ce qu'il deviendra? Ça dépend de la bataille, y compris législative. Mais qu'est-ce que ça veut dire que si on sort du chaos, on aboutit à un système. Le système, le futur système qui nous concerne, il est lié à la fois aux théories de Mélenchon et à celles de Macron. Il faut voir ce qu'elles ont en commun et ce qui les différencie. Et parce que ce qui les différencie, c'est qui va gouverner. C'est nous ou c'est Macron ou c'est Mélenchon. Donc moi, je vais quand même prendre le temps de vous raconter qu'est-ce que c'est que ce schéma. Je vais commencer par une question, là. Je vais laisser le micro, là. Je vais vous montrer un dessin. Et puis, cette photo, il y a une personne sur 20 qui trouve ce que c'est. Donc, je le fais circuler. Et puis, si quelqu'un trouve, il me fait signe. Alan, il faut pas que tu t'en ailles. Toi, t'as fini ton boulot là-haut. Je vous signale quand même qu'il y a trois médias à Nuit Debout qui sont pas TF1 ou Antenne 2 ou FR3. Donc Alan, il est créateur d'un des médias. Donc t'as pas à te tirer puisque tu passes. Oui, je rappelle, là, on fait un atelier debout éducation populaire consacré à la rhétorique Macron et à l'érotisme. Je parle du langage, hein, c'est pas pour ou contre. Non, c'est pas pour ou contre, mais on parle de sa façon de s'exprimer et voilà. Donc s'il y en a, donc vous présentez votre. Donc l'idée. Ouais. Voilà. Donc moi je passe le. Comment il s'appelle lui? Comment son prénom? Oui. Pierre. Mais on ne se connaît pas, mais je préfère te tutoyer. Je vais essayer, en fait, à mon sens. Hein, on laisse Mélenchon de côté, d'accord? On va se concentrer sur Nuit Debout et sur le mouvement En Marche. On oublie Macron. Pardon. Ah oui? Recherche. Oui. Mais ça ne marche pas. Ouais. Au fait, la différence entre le mouvement Macron et le mouvement Nuit Debout est constituée de militants, je dirais, pas de militants au sens politique du terme, des gens qui sont là, qui occupent la place, ce qu'on appelle dans la sociologie les réseaux dormants. Ça veut dire quoi les réseaux dormants? Ça veut dire tout simplement, moi-même, j'ai vos PS, à un certain moment, il faut que je fasse le deuil, puisqu'ils m'ont trahi. Je me retire, au lieu que j'aille regarder à ma télé, sur mon canapé, BFM TV, il faut que j'aille voir quelque chose d'ailleurs. J'ai été endormi pendant 20, 10, 20 ans, 30 ans. Au moment où je me suis réveillé, eh ben, il faut que je trouve une sorte d'identité militante que je ne retrouve plus que dans les mouvements classiques. Donc, je me constitue comme un groupe de gens, je me considère comme le réveil. Ça veut dire Nuit Debout, moi j'ai interrogé des gens ici les débuts, où il y avait des banquiers très haut placés, qui ont donné même un peu d'argent sur la quête de Nuit Debout, ils me disent, avec qui j'ai eu des entretiens, ils me disent oui, je ne peux rien faire, mais j'adore venir et écouter qu'est-ce qui se passe en fait. Je me dis dans les réseaux classiques. Ça c'est la première définition en fait des militants de Nuit Debout. Quand on vient chez Macron, alors c'est très intéressant sur les... Je termine ma définition. On oublie Macron. Sur le mouvement En Marche, les militants du mouvement En Marche, c'est des gens qui ont une identité statutaire, continue, stable, ça veut dire, si vous n'êtes pas apte à faire un crédit bancaire pour 50 000 euros, entre 40 000 et 50 000 euros pour votre campagne électorale pour la députation, vous ne pouvez pas adhérer. On va vous, d'accord ? Donc c'est des gens qui sont réveillés, qui ne se retrouvent plus dans les réseaux classiques. Ils ont trouvé ce qu'on pourrait appeler une niche politique et économique, en fait. C'est une sorte de cooptation à l'intérieur des gens classiques, en fait. Donc voilà la différence, en fait. Alors du coup, par rapport à la photo, est-ce que quelqu'un a une idée ? C'est comme au cours de biologie. Poupe d'un spermatozoïde d'Emmanuel Macron. Ah si, c'était pas une question, je le sais. Mec, t'as aucun humour. On est pas là pour rigoler. Moi, c'était plus philosophique, c'était à peu près la même chose, parce que c'était... moi, c'est un peu... Moi, j'avais dit, c'est peut-être comme on a les cours de biologie quand on regarde les choses. Je ne sais pas comment on dit en français. Bon, ça, c'est ça, sur les trucs. Mais il y en a un qui est plus grand que les autres, parce que quand il y en a un, c'est la société, en fait, c'est des microbes. Enfin, c'est comme les microbes. Enfin, voilà, dans la, enfin, on est toutes des entités. Donc, du coup, il y a une plus grande et il y a une qui a percé, et c'est la macrobiotique. C'est Macron. Bon, ça, c'est... Oui, je suis un peu dans l'idée de la dame. Moi, je dirais, ça ressemble à une ruche, bon, avec des fleurs, mais en fait, c'est toute la société, c'est nous, c'est peut-être même Nuit Debout, c'est toutes les communautés qui se rejoignent pour construire, en fait, l'ensemble. Mais juste une chose qui me dérange, c'est qu'en fait, ils s'enferment à travers la muraille du cercle. Je vais vous dire ce que c'est. Je fais rire au manque de fric là pour s'acheter du matériel vidéo. C'est une cellule de Bénard. C'est un mouvement naturel. Mais la deuxième question que je poserai, c'est pourquoi un mouvement naturel a été mis en évidence ? Parce que tous les mouvements naturels ont 4 milliards d'histoires, qui est le même âge que la Terre. Donc ce phénomène pouvait-il être observable avant 1900, oui ou non? Parce que si le prisme de Newton, qui est la révélation, si vous voulez, par le prisme de Newton, vous révélez que la lumière est multiple. Vous pouvez le constater dans le phénomène naturel. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir à l'état naturel. Donc là, vous aurez un deuxième bonbon si vous le trouvez. Je voudrais revenir au langage. Et même il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de macronisme, mais c'est comment dire, c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple d'école pour comprendre un peu ce qui se passe. Mais en fait, je peux supposer, disons comme théorie, c'est qu'on soit tous, le but c'est qu'on soit tous macronisés. C'est ça le, c'est même, il n'y a pas de Macron, mais on va être quand même macronisé. Et c'est le, et pour y arriver, il y a le collègue qui parlait de chaos, et qu'il faut sortir du chaos par Nuit Debout, etc. Moi, je suis convaincu que dans le but, disons, des mondialistes, des financiers, etc., c'est qu'il y ait de plus en plus de chaos et qu'on reste dans le chaos. Parce que c'est, le pouvoir ne sera plus dans une personne, dans un gouvernement, dans une, ou même dans une société comme Apple ou une autre. Le pouvoir, il sera de plus en plus dans chaque personne. Et c'est en théorie ce que nous on voudrait. Chacun soit autonome, soit émancipé, etc. Seulement que c'est, comment dire, une anticipation d'une possible libération des personnes, dans le sens où chaque personne va être amenée contre son gré, mais d'une manière très subtile, à se comporter d'une certaine manière. À orienter son comportement d'une certaine manière pour que le chaos reste et pour disons que, comme pour simplifier, pour dire les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Mais que tout le monde soit content d'être là où il est, d'être comme il est, parce qu'il a l'impression d'adhérer à quelque chose de collectif. Dans sa solitude, quelque chose dire « mais à la fin je serai comme les autres ». Donc je ne serai pas seul. Et c'est ça, pour ça que j'ai appelé cet atelier l'érotisme. Parce qu'il y a un côté affectif. Quand on n'arrive plus à penser, on bascule forcément dans l'affectif. C'est-à-dire, quand on ne comprend plus, quand on est dans le chaos, on ne sait plus à qui se fier. Même quand on n'a plus confiance en soi-même, on ne sait plus comment avoir confiance. À ce moment-là, on se laisse aller d'une certaine manière. On fait confiance à ce qui se passe. On est complètement tributaire des événements extérieurs, comme ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur terrain, complètement conditionné, mais avec la certitude d'être libre. Et d'une certaine manière, enfin ça aussi c'est moi qui élabore, mais c'est ce que je vois parmi les jeunes ou les très jeunes justement qui passent des heures et des heures sur Facebook, sur leur téléphone, etc. Ils n'auront jamais la possibilité de réfléchir à leur propre identité. Donc ils sont déjà prêts, ils vivent déjà dans le chaos. Ils sont dedans et ils sont bien dedans, parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose. Donc ça va être le... Enfin, je crois que c'est pas par hasard justement qu'à Nuit Debout, il n'y a pas de jeunes de cet âge-là. Il y a des ceux qui viennent qui parlent, à part moi bien sûr, des gens qui ont confiance en eux qui savent ce qu'ils veulent et qui cherchent ce qu'ils veulent. Et mais ça devient de plus en plus rare. La difficulté de Nuit Debout, c'est de dire qu'il y a des réponses possibles, mais on peut les trouver que collectivement. C'est-à-dire, c'est pas une adhésion affective à un mouvement, à une personne, ou à un parti, ou à des idées. C'est en tant qu'être humain, créer des liens entre êtres humains pour être un ensemble. Mais que chacun reste libre d'être comme il veut avec les autres. C'est-à-dire libre surtout de grandir, de changer, d'évoluer, etc. Ce qui dans le système macronien, on peut dire, ce ne sera pas possible de changer. Une fois qu'on est dedans, enfin, ce sera pas possible. Ce sera très difficile de changer. Oui, c'est-à-dire que Didier, à propos de la moyenne d'âge de Nuit Debout, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas parce qu'il y a un certain nombre de gens qui parlent, on n'est pas né la semaine dernière. La moyenne d'âge de Nuit Debout, elle est faible. C'est pas des vieillards. Donc, je suis pas d'accord sur ce point avec toi. Et que d'autre part, tu as raison de dire que l'organisation de la société en cas peut être celle de pouvoir de Macron et de ses prédécesseurs. Mais la question qui se pose, c'est de savoir quelles relations peuvent s'instaurer entre des gens dans un chaos. Au macronien, le chaos est chaque individu est soumis au chaos, c'est-à-dire que la communication entre individus est quasiment impossible. Donc il y a la communication ordinateur et les individus, là ça marche à fond la caisse, mais la communication inter-individu, elle est très très opprimée. Donc dans ce schéma là vous avez plusieurs... Moi, ça m'a pris 15 ans pour arriver à ce machin. Parce que j'ai lu Edgar Morin, sauf que je trouve qu'Edgar Morin, il est à côté de ses pompes en ce moment. Donc, moi, pour dire ça, faut quand même... pour s'attaquer à ce monsieur, faut avoir un musette. Donc, moi, je considère que j'en ai. Donc, là-dedans, vous avez... dans cette boîte, c'est la société. Et vous avez les relations entre individus là-dedans. qui concerne tout le système, parce que le système est construit par une réflexion de tous les individus qui peuvent réfléchir sur tous les éléments de ce système. Quand la communication est multidirectionnelle à l'intérieur de la boîte, démocratie. Si on est en démocratie, il y a un retour par cette boîte sur l'état de la production. Le système dans lequel on est destiné à la production. On produit des lois, on produit des voitures. Il y a une fonction qui fabrique et il y a une réflexion sur la production. Elle est démocratique ou elle n'est pas démocratique. Donc pour ce qui est de la remarque de Didier, si dans le chaos il y a une relation inter-individu, on peut sortir du chaos favorablement. Parce qu'à partir du moment où les individus discutent sans frontières entre eux, on peut considérer que la démocratie existe. Le Macron, et y compris, mais personnellement, je surprends Mélenchon en train de faire du bonapartisme, c'est-à-dire de la communication monodirectionnelle, on sort de la démocratie. Donc, il faudrait que je recommence. C'est des questions assez difficiles. On ne peut pas se résoudre seulement sur le en 3 minutes, quoi. Qui c'est qui veut causer de ça? Alors merci, je préviens juste tout le monde que je sais, mais attends, je vais dire des choses. Donc on va rester encore 10 minutes pour l'intervention, après non on va arrêter. Donc là on va prendre à peu près les derniers tours de parole, donc si vous voulez parler, profitez-en, c'est voilà, on va prendre les derniers tours de parole, après on va s'arrêter. Alors moi j'ai pas suivi le début, mais j'aimerais avoir des précisions sur le chaos. Voilà, j'ai vu ce mot un peu par-ci par-là par rapport au nouvel ordre mondial notamment, et du coup est-ce qu'il y a un lien avec ça? Voilà, j'aurais aimé avoir connaître le lien que vous faites avec ça. Et qu'est-ce que ça représente? Oui, alors je regrette que je perds toujours mes bouquins et les revues que j'ai, mais il y a une vingtaine d'années encore, il y a l'édifique, parce qu'il y en a toujours de nouvelles, hein. C'était l'ordre du chaos. C'est-à-dire que scientifiquement, on s'est rendu compte que là où on a l'impression qu'il y a du chaos, il y a toujours de l'ordre, hein, mais ce n'est pas l'ordre qu'on connaît dans ce qui est matériel, c'est-à-dire dans les arbres, les forêts, etc. Mais il y a par exemple, dans c'est né de l'observation du climat, où la fameuse, enfin je crois que c'est resté encore aujourd'hui, c'est le, comment c'est déjà, je ne me rappelle plus, le vol d'un papillon qui peut créer une tempête au Brésil. Enfin le vol d'un papillon en France peut créer une tempête au Brésil. Oui, mais bon, c'est par hasard qu'on s'est rendu compte que apparemment le climat est complètement... Et en fait, il y a un ordre dans ce chaos. C'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Il peut pas arriver n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Donc, et à partir de là, on se rend compte que c'est partout ce chaos. Et ce chaos a été théorisé aussi, mais je pense que c'est un peu de l'anti-macronien, par des artistes. Que les artistes sont toujours en avance d'une guerre. C'est le chaos créateur. C'est-à-dire que plus il y a de désordre, plus des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles ne sont pas forcément positives. Il y en aura des positives, des négatives. On fera avec. Mais de toute façon, le monde ordonné comme il est maintenant, c'est de la merde et il faut en sortir. Ça, c'est c'était il y a 20 ans. Je crois que Macron est un enfant du chaos créateur. On ne voit pas encore la création, mais on voit déjà le chaos. Merci à toi. Non, je suis pas d'accord. Macron, il fait partie du chaos créateur. Oui, alors ça, voilà. Ce qui a inspiré Edgar Morin, et qui en parle un peu moins, c'est une expérience dite de Bénard qui a eu lieu en 1900. Alors que c'est un phénomène naturel, c'est une coupe d'eau chauffée. Donc on peut faire ça depuis Cro-Magnon. Sauf que c'est pas possible. Pas possible par Cro-Magnon, je ne vous donne pas la réponse. Ça sera là pour la semaine prochaine. Et donc, moi, je pense que Macron, il n'est pas hors de... Alors, le type qui a théorisé ça, c'est, il a reçu le prix Nobel en 1970 pour avoir expliqué ce qui se passe dans un morceau de flotte, là. Et Prigogine est un scientifique qui a montré que le chaos n'est pas certaines conditions. Et Prigogine en a fait une théorie qu'il a dit, moi j'ai pas de frontières, ma théorie elle s'applique à tout. Sauf que il y a un certain nombre de politiques qui disent, c'est aberrant, la science ne peut pas expliquer la politique. Si vous voulez, ce qui se passe en France et sur la planète, parce que pour répondre à ta question, tu dis, est-ce que c'est local ou global ? C'est global. C'est global parce que, à cause des ordinateurs. Et les ordinateurs, disons que ça globalise plein de choses depuis 30 ans. Les mouvements qui apparaissent aujourd'hui n'auraient pas pu apparaître avant les ordinateurs. Merci à toi. Donc je rappelle, on va prendre les derniers tours de parole. Donc si vous voulez prendre les tours, après, on va bientôt terminer. Merci. Monsieur, il a vraiment raison de poser la question du chaos. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous tous les deux. Quand on utilise le mot le chaos, alors on pense systématiquement à la fin du monde. Ça veut dire tout simplement les mêmes le discours eschatologique de la fin du monde, du chaos, des gens qui ont théorisé le chaos. Alors moi, à mon sens, est-ce que ça ne vaut pas le coup de penser, la notion, de remplacer la notion par la notion de fatigue sociale et de fatigue électorale. Fatigue sociale. Macron, il était très intelligent sur ce point. Il a profité de cette fatigue sociale pour imposer ses idées et d'y aller. Et il est président de la République, hein. Et il est président de la République, en fait. Observation, en fait. De remplacer la notion du cas par la fatigue sociale. Parce que tout ce qu'on... Tous les gens qui viennent la nuit debout parce qu'ils sont fatigués socialement, ils sont fatigués politiquement, ils sont fatigués dans leur travail, ils sont fatigués dans leur famille, ils sont fatigués par BFM, par le disque, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous dites une chose qui me paraissait très intéressante, c'est par le chaos que naissent les nouvelles idées, ainsi de suite. Ah, mais ça devient dangereux, au fait. Faites très attention. Alors, ça s'appelle la règle. Les politiques, ils l'appellent la. Moi, je peux vous raconter une petite histoire. En 1991, les islamistes, les radicaux musulmans ont. Hop là, ça ne marche plus. Si. Ils sont arrivés au pouvoir par les élections. Il y avait la moitié de la population qui disait, mais écoutez, le moyen, au fait, de les éradiquer, c'est de les laisser prendre le pouvoir. Et puis, ils vont se désagréger eux-mêmes. Le chaos, il va partir par le chaos eux-mêmes. Ce qu'on pourrait appeler la régression féconde. Quelque chose qui est du chaos qui va faire... Mais c'est très dangereux. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte si on a laissé Marine Le Pen la semaine dernière prendre le pouvoir. Mais ça devient très dangereux, cette notion de chaos. Merci. Attends. Non, vous allez lui répondre. Ouais, bah Pierre, vous deux, vous allez lui répondre et après je vous fais une conclusion et puis moi je ferai après mes annonces finales. D'accord. Alors, je parlais du chaos créateur, tire d'une théorie qui est née il y a une vingtaine d'années, mais dans le monde artistique. Et ensuite, évidemment, qui s'est diffusée un peu partout. Mais moi, je vois pas le chaos comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire, c'est une découverte scientifique justement pour dire que le chaos tout. Et que nous, on vit très bien au milieu du chaos. Et c'est indispensable. Je prendrai un autre exemple que le climat, c'est qui me parle plus en tant que jardinier, justement. C'est scientifiquement, on peut définir un arbre, dire voilà, il y a l'écorce, il y a les racines, il y a les branches, etc. Et maintenant, dans les dernières découvertes scientifiques, justement, qui a deux ans qui n'ont rien à voir avec le chaos, c'est qu'en fait, un arbre, tout seul, ça n'existe pas. Tous les arbres de la planète sont interconnectés entre eux par les racines, par l'atmosphère, par l'air qui s'échange, etc. C'est un échange constant, c'est le monde des arbres. Et c'est pareil pour l'herbe, pour les animaux et pour les êtres humains aussi. Il y a c'est difficile à expliquer, mais il y a un ordre du chaos. Il y a l'ordre fixe, stable des choses matérielles, d'une certaine manière, on peut dire, de tout ce qui est un ordre définitif, il ne bouge plus. Mais tout ce qui est vivant a un ordre chaotique. Et tout ce qui est vivant, ça peut évoluer. Ça peut se transformer, etc. Et ce qui peut nous arriver, la mondialisation et Macron et compagnie, c'est justement le... comment dire, il n'y aura plus d'évolution. Il y aura un chaos sans évolution. Ce qui paraît... Enfin, c'est contradictoire. Mais je ne saurais pas l'expliquer. Didier, je vois pas pourquoi tu dis que c'est les artistes qui ont mis en évidence la sortie du chaos là et ses lois. C'est pas les artistes, c'est Edward Lawrence et les lois de la météo à San Francisco en 1964 et Bénard en 1900. C'était pas des artistes, hein. Ce sont des lois scientifiques. Donc monsieur qui a l'air de déplorer l'existence de ces lois, c'est comme si vous me disiez qu'on déplore les lois de la gravité. On peut protester que quand je lâche ça, on peut trouver ça triste, hein, mais on peut pas faire le contraire, hein, sauf en cinéma expérimental, en passant le film à l'envers. Alors, attends, donc merci à tous d'être là, d'être restés. Donc, Non mais attends, avec tout à l'heure là, l'autre il m'a cassé. Faut pas que je parle loin du micro. Donc là, on sera là encore, la commission de Bauduc Pop sera là demain, on sera là demain après-midi pour faire l'atelier. Donc, il y a quoi? Oui, non mais c'est pas des 6 heures qu'on commence à 2 heures. Vous aurez de 2 à 4 heures l'atelier et après ensuite vous avez une intervention sur l'handicap. Donc demain encore une grosse journée. Donc on a la commission Bauduc Pop, on est là tous les week-ends sur la place. Après, c'est ce que je peux dire d'autre. Voilà. Et après, si vous voulez, il y en a encore des pancartes et de la peinture. Si vous voulez encore vous amuser à faire des dessins, faire ce que vous voulez, allez-y. Ah oui, bah après aussi, oui, le 21. Logiquement, le week-end du 20-21, peut-être qu'Éduc Pop ne sera pas là ou peut-être sera là, on n'en sait pas encore. S'il y a plein d'autres événements comme Europa City. On vous invite à venir à Gonesse pour contre le projet Europa City. Didier ? Tu veux pas faire ta conclusion ? Didier, conclusion ! Donc maintenant, je vais laisser faire la conclusion et je vous dis à la prochaine, messieurs et mesdames. Merci tout le monde. C'est d'abord, ce que je veux dire, c'est fier ce que j'ai pas dit. Il y a 20 ans, les scientifiques ont découvert la théorie du chaos, de l'ordre du chaos, et ensuite des artistes s'en sont inspirés pour parler du chaos créateur, pour définir un chaos, disons, d'une manière artistique. Voilà. Maintenant, j'espère que je ne vous ai pas trop torturé l'esprit, et c'était simplement des suggestions, disons, qui me sont venues à propos de... Enfin, à propos du langage surtout, et Macron, c'était un exemple. Tout simplement, j'ai rien spécialement contre Macron, parce que c'est quelque chose, c'est un épiphénomène de beaucoup de choses qui sont pas visibles, mais qui sont de plus en plus fortes, hein, dans le monde entier. Je veux dire, tout ce qui est destruction de la planologie, destruction de la société, des anciennes cultures, des anciennes sociétés, etc. C'est ce qu'on est en train de vivre tous. Donc il faudra apprendre à vivre sans. Et je pense que ce qui est important, c'était de continuer à être en relation entre êtres humains. Et pour être en relation entre êtres humains, il faut se parler. Et se parler, c'est pas forcément se comprendre. Et je voulais simplement éveiller votre attention sur le fait de dire c'est bien de s'écouter, mais c'est encore mieux de se comprendre. Et il faut être très très très attentif à ça. À comment on se comprend. Oui, moi je voudrais dire que l'érotisme dans une société qui est cloisonnée est pas très... Alors que dans une société conviviale, oui. Donc merci à tous. Je vous rappelle, demain Duke Pop est là dès 2h de l'après-midi sur la place. Si vous l'avez, vous nous demandez, on vous donnera le matériel. Et puis voilà. Donc merci, bonne soirée à vous tous et voilà, bonne soirée.